الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بكم مرة أخرى مع صحيح الجامع. وكان المفروض أن يكون اليوم كتاب قصص الأنبياء لكني ظروف خاصة تركته ولجأت إلى هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم شيخ سور. نورمالمون aujourd'hui le dars c'est sur la pardon sur la vie des prophètes et plus précisément Nuh alayhi salatu salam. Et pour des raisons personnelles, yani je ne me suis pas bien préparé, c'est pour ça que j'ai dit que fait celui-là, yani sahih al-jama', inshallah ta'ala aujourd'hui. Donc on s'était arrêté hier inshallah ta'ala, on s'était arrêté dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit akthiru salat alayya. Yani dites beaucoup Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Connaissez le doua, yani plus ou moins long. Le meilleur c'est salat ibrahimiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. La fin du hadith. Il a dit parce que inna Allah wakala bi malakin 'inda qabri. Allah azza wa jalla a spécialement c'est quelqu'un, un ange a mis spécialement un ange devant ma tombe, spécialement pour me dire que yani quiconque de cette nation, yani fait la prière sur moi, de l'invocation, Allahumma salli wa sallam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ange, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, ya Muhammad, ibn fulan sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'on fait une invocation comme celle-là, l'ange dira spécialement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira que X, puis il appelle avec son nom ou bien son prénom, le fils de X. Inna fulan ibn fulan. Inna fulan X, fils de X, maintenant vient de faire une invocation. J'avais dit hier que ce qui était très important ici, c'est que c'est un hadith qui brise le dos de ceux qui disent que les morts entendent. Car si les morts entendaient, le premier qui aurait entendu serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas besoin que Allah azza wa jalla lui mette un ange pour lui dire que X a dit ceci et cela. S'il y avait un mort qui entendait, ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite on a parlé longuement sur cette mas'ala, j'ai donné les détails inshallah ta'ala les plus convaincants bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et ça suffit que Al-Alusi ala rahmatullah a écrit un livret, une risala spécialement en ce sens. Il a appelé l'ayat al-bayinat fi adam sama' al-amwat ala madhhab al-hanafiya al-sadat. Ce livre, Tahqiq al-Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah, il n'a laissé là-bas personne ne peut aller ni à droite ni à gauche. Quand il lit ce livre, là, il est sûr que les morts bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala n'entendent pas. Hada bighadd an-nadar, le verset qui dit إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. بغض النظر الحال الفيرسي كي دي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. بغض النظر عن حديث البخاري où le prophète صلى الله عليه وسلم a parlé avec Abu Jahl et les autres après les avoir jetés dans un puits comme des chiens, il leur a parlé d'en haut, il leur a dit هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. Omar radiallahu ta'ala anhu s'est étonné, il a dit hal yasma'un ya rasulullah. Donc c'est une preuve que Omar savait qu'il n'entendait pas. C'est pour ça que ça l'a étonné, il a posé la question. Il a dit hal yasma'un, ce sont des corps comme ça, khlas, ils n'ont pas d'âme. Il a dit al innahum al ana yasma'un, ils entendent maintenant ils entendent. Et au sol fiqh, ça s'appelle le mefhoum, le contraire, ce qu'on entend, ce qu'on comprend par la chose qui n'a pas été dite. Quand il dit l'an, yisma'un, ce qu'il n'a pas dit, c'est que, à part maintenant, ils n'entendent pas. Ça s'appelle mefhoum, mukhalafa. Il y en a à peu près 9 sortes. Mefhoum al-hal, mefhoum al-sifa, mefhoum al-shart, mefhoum beaucoup, à peu près 9 sortes. Hada, ça s'appelle mefhoum zaman. Innahum l'an yisma'un. Maintenant, ils entendent. À part maintenant, ils ne peuvent pas entendre. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a dit dans le Bukhari aussi, il a dit, pour expliquer ce hadith, il a dit, Allah Azza wa Jal les a ressuscités seulement pour entendre. Il a dit, tankilan, tabkitan lahum wa khizyan. Allah Azza wa Jal les a ressuscités spécialement pour 7 minutes pour entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur disait, يعني نحن وجدنا موعدنا ربنا حقا فهل انتم وجدتم موعد ربكم حقا يعني juste pour qu'ils entendent cette question et qu'il يعني ça soit يعني un supplice pour eux, un grand châtiment. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. Suite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith qui est bon, hadith Hassan numéro 1209, il a dit, yani dites beaucoup, faites beaucoup de prières sur moi. Faites beaucoup de prières, dites beaucoup, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, dites beaucoup cela quand exactement le jeudi soir, yani la nuit du vendredi et toute la journée du vendredi. La nuit du vendredi et tout le vendredi. La nuit, ça commence à partir de Salat al-Maghrib. Quand on est Salat al-Maghrib, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas on est aujourd'hui. On est la veille de demain. Nahnu fi laylat kada. Comme maintenant, moi je vous parle, il est 11h du soir chez moi. Qu'est-ce qu'on dit? On est la veille de dimanche. Nahnu laylat al-jumu'ah. Donc le jeudi soir, à partir du Maghreb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites beaucoup de moi, dites beaucoup de moi, Allahumma salli ala Muhammad. Et le vendredi. Pourquoi spécialement cette nuit du jeudi et le vendredi? Parce que dans cette nuit, il y a une spécialité, quelque chose de spécial, c'est quoi? À chaque fois que tu dis une fois, Allah Azza wa Jal, on fera 10 sur toi. Toi, tu dis une fois. Allah Azza wa Jal, Subhanahu Azza wa Jal, fera 10 spécialement sur toi. Mais les autres jours, comme je dis, quand tu dis une fois, il y a l'ange qui lui dit X a dit de toi. Maintenant, il y a hadith qui dit que le jeudi soir et le vendredi, ça c'est tellement spécial, quand tu dis une fois, Allah Azza wa Jal va faire 10 fois sur toi. Et la prière de Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est quoi? C'est comme on dit les ulama, c'est qu'il te, il vante tes mérites devant les anges. Devant les anges, Allah Azza wa Jal yutni alik amam al-mala al-a'la. Et ça, c'est un grand mérite. Le fait que Allah Azza wa Jal te dise spécialement X, comme ça par ton nom. Et qui te vante devant tous les anges qui avaient dit, "Taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis." Allah va leur dire, maintenant voilà, il va dire X, celui-là et ceci, cela, il fait tes mérites. Yani c'est quelque chose de vraiment azim عند Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, c'est très facile à le faire. Pourtant, comme je disais, c'est très facile à le faire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akthiru min gharsi al-jannah. Yani, akthiru, yani, faites beaucoup, je ne trouve pas le verbe en français, il dit, yani, faites beaucoup de, plantez beaucoup dans le paradis. Je vous ai dit une fois que le paradis, il est créé. On ne dit pas comme les autres, le paradis n'a pas encore été créé, l'enfer. Le paradis et l'enfer existent. Ils sont là et ils attendent. Ils attendent ceux qui vont y rentrer. Yani, c'est pour ça que l'enfer a dit une fois, tellement il avait de problèmes, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai beaucoup de problèmes, il n'y a rien à l'intérieur de moi, je me suis mangé moi-même. Alors l'Azazel lui a permis quoi? De souffler une fois en été, une fois en hiver, comme vous connaissez le hadith. Donc c'est un délire que l'enfer existe. La même chose le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté dans l'ascension, il a vu le paradis, il a vu yani, ce qu'il y avait à l'intérieur, etc. Même l'enfer, il l'a vu sans rentrer. Il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de l'enfer sans y rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, semez beaucoup, yani, votre paradis, le paradis, tu le sèmes, il existe maintenant, mais ça dépend ce que tu as semé, ce que tu n'as pas semé. Il y a des gens qui, dès maintenant, sèment. Il y a d'autres qui ne sèment pas. C'est pour ça que quand ils vont y aller, ils vont trouver le paradis, mais ils ne vont pas trouver comme celui qui a semé. Celui, par exemple, deux personnes peuvent être dans le paradis, mais elles n'ont pas les mêmes choses à l'intérieur du paradis. Celui-là, par exemple, quand il veut boire, par exemple, il a telle chose, par exemple. Je donne un exemple, c'est tout. Il a une mesel ala. Celui-là, par exemple, il a un jus d'orange, par exemple. L'autre, par exemple, il a un jus de quelque chose, il y a beaucoup plus bonne que l'orange. Ou que l'autre n'a jamais vu, peut-être. Pourquoi? Parce que l'autre, par exemple, il ne se rend pas égaux, celui qui, dans cette vie, par exemple, je donne un exemple, par exemple, jeûner le lundi et jeudi, l'autre ne jeûnait pas. Et l'autre, il faisait la prière la nuit, l'autre ne faisait pas. Et l'autre, il faisait sortir un peu d'argent de sa paye, l'autre, il ne sortait pas. Ils ne peuvent pas être égaux. Certes, ils seront tous les deux au paradis, mais c'est impossible dans l'adl, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il mette ces deux-là à pied égal. Il ne mettra pas à pied égal. C'est la même chose pour le paradis. Maintenant, le paradis, chacun a un paradis qui l'attend, chaque croyant. Donc, il a une place à l'intérieur qui l'attend. Donc, c'est toi qui veux semer ou tu veux jouer et plaisanter et laisser le temps passer. Toi, tu es libre. C'est pour ça qu'il a dit, semer, et en semer beaucoup dans le paradis ou dans votre paradis. Il a dit, fa'innahu azbun ma'uha. Il a dit, l'eau du paradis est très azb, bien, et quand tu la bois, tu ne peux pas t'en arrêter. C'est pas le contraire, on dit elle est salée. Naam, chacun récoltera au paradis ce qu'il aura semé dans ce monde. Naam. Donc son eau est tellement yani, bonne et tellement yani, huloua, elle n'est pas comme l'eau salée, par exemple l'eau de la mer. Tayyibun turabwa. Il parle de sa terre, qu'elle est tayyiba, et qu'il va montrer dans un autre hadith qu'elle a une odeur très bonne ici. Ensuite il a dit, voilà le rapport du Dars, donc il a dit, semez beaucoup, c'est quoi Ghirasiya, qu'est-ce que vous semez? Il a dit, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Je vous ai dit que c'était un trésor des trésors qui se trouve au paradis. Donc nous, si on peut au maximum, on dit beaucoup, il a dit, la hawla wa la quwata illa billah. Pourquoi? C'est tu es en train de semer ton paradis. Cette phrase que tu dis, la hawla wa la quwata illa billah, maintenant ça ne te paraît rien. Lorsque tu rentreras, inshallah, au paradis, et tu verras ce que tu auras dans le paradis, et tu vas à l'autre, comment qu'il sera privé de beaucoup de choses, c'est à cause de la hawla wa la quwata illa billah que tu disais, et que l'autre ne disait pas, ou bien disait très rarement. Allah subhanahu wa ta'ala, an yu'inana hatta, yani, nuksira min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit, hadith 1232, c'est un hadith sahih, c'est un hadith qui est sahih, véridique, il a dit, أَكْمَلُوا الْمُؤْمِنِينَ إِمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. Non, أَكْمَلُوا الْمُؤْمِنِينَ إِمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. Vous savez, l'iman, les gens, il y a une grande, grande différence dans la foi et la croyance. L'iman, là, Inch'Allah, quiconque dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah c'est un croyant. Mais la croyance ou la foi a dit, yani, ça dépend des gens. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bid'u wa sub'una shu'ba, bid'u wa sub'un, 67, 68, 69, yani, sortes d'iman hada. Donc il y en a des gens qui ont par exemple deux ou trois. Le prophète Hassam a dit Bidra wa sitoun et Bidra wa sibroun. Les deux hadiths sont véridiques. Donc, des fois, on a beaucoup, beaucoup de sortes, yani de la foi dans le cœur. Des fois, on a deux ou trois, yani, j'ai dit sortes, mais c'est pas le mot sorte. Hein. Shu'ab. Shu'ab, par exemple, il a dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il y a par exemple une branche dans la rue, tu l'enlèves de la rue à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ça, c'est shu'ba min shu'ab al-iman. Ça, c'est une sorte, yani, des sortes des 70 soulets qu'il y a dans l'iman. Donc, c'est pour ça que ça différencie beaucoup entre une personne et entre l'autre. Une branche de l'iman. Naam. Il a dit, il y a des catégories, il y a des branches. Il a dit, a'laha, la plus haute, c'est la ilaha illallah. La plus basse, c'est Et la plus basse, c'est que tu enlèves par exemple quelque chose de la rue, tu enlèves une peau de banane. Ça, c'est une branche de la foi. Il a dit, et avoir honte et être pudique, c'est aussi une branche des branches de l'imam. Donc je voulais dire que l'imam a beaucoup de branches. C'est comme un arbre qui a des branches comme ça à droite et à gauche et en haut. D'après le nombre de branches que tu as, d'après ta foi est grande. Si tu n'as que quelques branches, c'est que ta foi est petite. Et les branches, bien sûr, c'est nous qui les faisons ou bien c'est nous qui les coupons. Donc les branches, c'est toi que tu fais. Tu fais par exemple celui qui fait le jeudi, lundi, il fait le jeûne du jeudi, lundi. Voilà, il a déjà une branche que l'autre n'a pas. Celui qui fait la prière la nuit, il a une deuxième branche. Celui qui enlève les peaux de banane de la rue, etc. Voilà une troisième branche. Celui qui est à honte, il est pudique, il a une quatrième branche. Et comme ça. Donc les gens différencient beaucoup. Tu trouves deux personnes qui font la prière dans la même mosquée. Celui-là, peut-être il a 30 branches. Celui-là, peut-être il en a 4 ou 5. Celui-là, peut-être il en a 45. Celui-là, peut-être il a 38. Et ainsi de suite. Et les branches à l'eau, vous savez, ce sont elles qui font agrandir la foi ou bien la font descendre. Plus tu fais de ces branches, plus ta foi tu sens qu'elle grandit. Plus tu ne fais rien, seulement la prière, plus ta foi descend et tu dis, Subhanallah, je suis très faible cette semaine, ou ce mois, je suis très faible. Naam. Pourquoi? Tu n'as pas les branches. Tu ne fais rien. Tu as dit seulement, je fais la prière, c'est tout. Je m'arrête seulement, je me suffis à la prière. C'est pour ça que tu sens que ta foi, tu la sens très, très faible. Tu la sens très, très faible. Il a dit, Ekmelul Mu'mininin, ceux qui ont le plus d'iman, ceux qui ont, yani, qui vont vers le parfait iman, il a dit, ce sont qui? Il a dit, Ahsanum Khuluqan, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Naam, le comportement joue un très, très, très, très, très grand rôle, ici dans la vie et dans l'au-delà. Ici, dans cette vie, pourquoi? Parce que avec ton comportement, bon comportement, premièrement, tu attires les gens vers l'islam. Deuxièmement, les gens t'aiment. Et en même temps, ils aiment l'islam. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes, mais leur comportement est très mauvais, mal asif. C'est pour cela que, quand les gens les voient, ils croient que c'est ça l'islam. Les gens ne font pas la différence entre l'islam et les musulmans. Quand ils voient quelqu'un avec un mauvais comportement, il dit c'est ça l'islam, donc l'islam n'est pas bien. Donc quiconque a un mauvais comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va fuir les gens de l'islam, yani, malgré lui, même s'il ne le veut pas, mais il va faire fuir les gens de l'islam. Et quiconque bien sûr qui va faire fuir quelqu'un de l'islam, c'est un grand problème pour lui. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna minkum la munafirin. Il a dit, il y a de vous des gens qui font fuir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, il n'y a pas plus lourd demain dans la balance, quand on va ramener la balance demain pour savoir qui va aller en enfer, qui va aller au paradis, il a dit, il n'y a pas plus lourd que le bon comportement. Non, il n'y a pas plus lourd. Il a dit dans un autre hadith sahih, il a dit, celui qui sera plus près de moi, Yom al-Qiyama, sera celui qui a un bon comportement. Non, le bon comportement joue un très très grand rôle. Car faire des salats, etc., et tu n'as pas un bon comportement, c'est comme si à peu près, j'ai un pot, masha'Allah, plein de miel, masha'Allah. Ensuite, sans le vouloir ou là en le voulant, je vais jeter un peu de vinaigre à l'intérieur. La hawla wa la quwwata illa billah. Le miel, masha'Allah, mais khalas, il y a quoi? Il y a à l'intérieur du vinaigre. Ce vinaigre va faire de sorte que le miel là-dedans, il n'aura aucune importance. Les gens vont dire, on ne peut pas goûter ça, il y a du miel à l'intérieur. La même chose, les gens vont te voir, ils vont dire, mais puisque c'est ainsi, Allah, l'islam là-dedans, il me fait peur. L'islam là-dedans, il voit des ignorants, comment ils font, comment ils parlent, comment ils brusquent les gens, comment ils les insultent, comment ceci. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça qu'il y a un Algérien, c'est un Français, d'origine française et qui s'est converti à l'islam. Mon nom est sur mes lèvres, mais je ne le trouve pas. C'est un grand, grand peintre. L'un des plus grands peintres, yani, il y a 40 ou 50 ou 60 ans. Un très grand peintre qui est allé en Algérie. Il est allé au sud de l'Algérie, au Sahara. Il a vécu là-bas. Il est devenu musulman. Bien sûr, sa femme musulmane, etc. Mais il a dit une phrase très célèbre. Qu'est-ce qu'il a dit? il a dit Alhamdulillah que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Naam, il a raison. Alhamdulillah, il a dit que j'ai connu l'islam, sa beauté, sa yani, comment il est magnifique, comment il est parfait, avant de connaître les musulmans. Ça veut dire, si j'avais connu les musulmans auparavant, je n'aurais jamais cherché à comprendre, à rentrer en islam, ni à aimer l'islam. Pourquoi ? Alors, je m'aurais su, je m'aurais dit, c'est ça l'islam. Mais il a dit, alhamdulillah, j'ai lu, et j'ai su ce que c'est l'islam. L'islam, c'est quelque chose, et les musulmans, c'en est une autre. Naam. Les musulmans, c'en est une autre. C'est peu, sans qui vraiment, sans ceux qui représentent vraiment l'islam comme yani, le pur, le saint, l'islam que Allah Azza wa Jal a fait descendre dans le Coran, et l'islam que représentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu ta'ala anhum. C'est pour ça que je dis, talab al-ilm, c'est pas moi qui dis, c'est le prophète alayhi wa sallam qui a dit ça. Talab al-ilm farida ala kulli muslim. Et ça rentre bien sûr musulman. On ne dit pas que le musulman musulman, musulman c'est da'if, ça devient faible dans le hadith. Si tu dis musulman musulman, le prophète alayhi wa sallam a dit seulement musulman. Mais les ulama ont dit musulman, ça rentre musulman. Sans que ça soit cité dans le hadith, mais ça rentre. Car la musulman c'est une musulman. Donc talab al-ilm c'est très très important, talab al-ilm. Pourquoi ? Parce que c'est quand on demande la science, quand on la connaît, qu'on a un bon comportement, qu'on devient souple, qu'on comprend yani, comment agir avec les gens, etc. Parce que ceux qui n'ont pas le ilm, ils veulent quoi ? Ils veulent, par exemple, ils disent ça c'est un mal, je veux enlever le mal. Moi je m'en fous, ça ne m'intéresse pas ce qui va se passer après. Je vois quelqu'un ici en train de faire le mal, il est en train de boire l'alcool, l'alcool c'est un mal. Donc moi, je vais changer ce mal pour qu'il n'y ait pas ce mal. Maintenant, ce qui va se passer après, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là qu'il se trompe. Il ne sait pas, par exemple, il n'a pas le haine. Il ne sait pas, par exemple, qu'on ne change pas un mal si on sait qu'on va venir avec un mal plus grand. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, a dit, vous savez qu'il y a, par exemple, une divergence, par exemple, en ce qui concerne les échecs. Le jeu des échecs. Est-ce qu'on joue aux échecs ou on ne joue pas ? Ibn al-Qayyim était du genre qui disait on ne joue pas aux échecs. On m'a dit que Cheikh al-Albani était du genre qui disait on peut jouer aux échecs. Maintenant, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah disent on ne joue pas aux échecs. Ce qui a rapport avec le dars, Ibn al-Qayyim al-Ahmatullah a dit par exemple, si tu vois quelqu'un jouer aux échecs et tu es du genre qui dit c'est haram de jouer aux échecs, et tu sais que celui qui est en train de jouer aux échecs, c'est quelqu'un qui, d'habitude, il fait des grands péchés. Il tue les gens, etc. Il fait des grands péchés. Et tu sais que maintenant, s'il est en train de jouer aux échecs, c'est que, alhamdoulilah, il n'est pas en train de faire les grands péchés, en train de tuer les gens, etc. Il est en train de jouer les échecs. Il dit, donc, si malgré, pour toi, c'est interdit de jouer aux échecs, et tu sais que cette personne, si tu lui enlèves les échecs, tu lui dis, attends, c'est haram, tu jettes les échecs avec ton pied, tu sais que il va aller faire les grands péchés qu'il faisait d'habitude. Il dit, si malgré cela, tu sais cela, et tu vas lui enlever les échecs qui sont haram pour toi, c'est que tu n'as vraiment rien compris dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tu n'as rien compris dans le dîn. Les échecs, c'est haram pour toi. Khala, c'est haram, mashallah. Mais si tu enlèves à celui-là les échecs, où il va partir ? Il va partir faire la prière. Va partir faire la da'wa salafia. Celui-là, c'est un truand. Tu lui enlèves des échecs, il va sortir le revolver, il va commencer à tirer en haut, en l'air, il va aller se saouler. Tu ne sais pas que les échecs, c'est moins grave que tuer quelqu'un ou la boire de l'alcool. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui s'est étonné. Il a dit une fois, j'étais avec Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-Rahmatullah. Est-ce que vous connaissez-vous quelqu'un qui enlève les mots, là, comment ça s'appelle, les péchés, plus que Cheikh l'Islam? Jamais. Il a dit, pourtant, une fois, je marchais avec lui, on était deux ou trois, on est arrivé devant un groupe, deux ou trois, qui buvaient du vin ou buvaient de l'alcool, assis en train de boire. Il a dit, et Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, a continué son chemin, sans dire à cela, c'est haram pour qu'on buve l'alcool, ou bien sans le frapper de ses pieds, ou je ne sais pas quoi. Il a dit, on s'est étonné, au point où, je lui ai demandé, je lui ai dit, Abu al-Abbas, Ahmed, parce qu'il s'appelait Ahmed ibn Taymiyyah, je n'ai pas compris comment on est passé devant des gens assis en train de boire de l'alcool, tu leur as rien dit. Il a dit, naam, ceux-là, ce sont les tatars, les tatarados, les tatars spécialement venus pour tuer les musulmans égorger les gens pour faire le haram avec les femmes, la femme enceinte, il lui donne un coup de couteau, il faut sortir le bébé. Je sais pas qui cela, ce sont les tartars, les tatars. Il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, c'est Ibn Taymiyyah qui a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, dans le Coran, en parlant de l'alcool, il a dit, إِنَّا تَسُدْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Il a dit, salat a dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'éloigne de zikr Allah subhanahu wa ta'ala, elle t'éloigne de la salat. C'est comme ça qu'a dit la Bible dans le Coran. Mais cela, pour eux, l'alcool les a éloignés des égorgements et des tueries et des grands massacres. Donc c'est pour ça que je les laisse en train de boire l'alcool qui est interdite. Je n'enlève pas, je vais pas leur dire laissez l'alcool, parce qu'ils vont aller vers quelque chose de très très grave et plus grave. Donc laissant cela avec leur alcool, vous voyez, ça s'appelle le fiqh de la da'wah. C'est pas le fiqh des ikhwan muslimin, le fiqh comme ça, sans hadith, sans rien, comme ça, il marche de sa tête, ça s'appelle bab da'wah. Non, c'est pas ça. C'est le fiqh qui est basé sur les règles de l'islam, sur la compréhension de l'islam, sur ruh sharia, sur le qawa'id al-fiqhiyya, sur le ilm, rabbi shaykh al-islam, alayhi rahmatullah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit أكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Ensuite il a dit وخياركم لنسائهم. Et si vous voulez savoir quels sont les meilleurs d'entre vous, regardez leur comportement avec leurs femmes, avec leurs épouses. Si tu trouves quelqu'un qui il dit j'ai du ilm, mashallah, j'ai de la science, je fais des doros, j'ai des livres, j'ai des cassettes, ensuite tu le trouves tout le temps en train de frapper sa femme, tout le temps en train d'insulter sa femme, tout le temps, ça veut dire que celui-là c'est un menteur, il n'a rien dans la tête. Si vraiment il avait du ilm, il aurait commencé par être bien avec sa femme. Il a dit le prophète, c'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit khiyarukum, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme. Ensuite dans un autre hadith il a dit et moi je suis le meilleur de vous avec mes femmes, le meilleur de vous avec mes femmes. Pourquoi? Parce que celui qui a du ilm, il sait que la femme, comme d'ailleurs il y a un hadith qui dit qu'elle a été créée d'une côte tordue. Donc lui il sait qu'elle a été créée d'une côte tordue et que c'est impossible qu'il fasse de cette côte, qu'il la rende yani droite. Ensuite il va faire des problèmes. Donc celui-là il ne connaît pas le hadith, donc il ne peut pas avoir de ilm s'il ne connaît pas ce hadith. Et s'il connaît ce hadith, il ne l'applique pas, il ne peut pas avoir aussi du ilm. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, masha'Allah, 11 femmes. Certains ont dit 13 femmes. Lorsqu'il est mort, il en a laissé 9. Il en avait 11 ou 13, et jamais il n'avait de gros problèmes. S'il en avait, il en a comme tout le monde. Une fois par 6 mois, une fois par an, une fois par terre, mais toutes les semaines, les problèmes, etc. Ça veut dire que on n'a pas encore bien compris l'islam. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, il a dit, Al-banu al-baqari shifa'un. البان البقري شفاء. Il a dit le lait, les laits, etc. de ce qui sort des mamelles des vaches, il a dit شفاء. Quand on est malade, des fois on se suffit seulement un peu de lait des vaches et on guérit bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il a dit شفاء. Les laits des vaches sont des médicaments. وسمنها دواء. Je ne sais pas comment on dit en français, vous savez, il y a le beurre, zubda hadi. Ensuite, il y a le sem. Il ressemble au beurre, mais ce n'est pas le beurre. C'est quelque chose qui a une odeur comme ça. On met dans les gâteaux, etc. Ça s'appelle sem. Il a dit semnuha dawa'un. Il a dit semnuha, cette sorte de beurre. Ça s'appelle sem en arabe. Il a dit dawa'un. C'est un médicament aussi. Yani, ça soigne. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit waluhumuha da'un. Il a dit mais sa viande et ses viandes sont une maladie. Non, sa viande et ses viandes sont une maladie. Parce que la vache, comme vous savez, elle ne mange pas, par exemple, comme la chèvre. La chèvre qui mange de tous les arbres. La chèvre, elle est même dangereuse pour celui qui a des arbres. La chèvre peut manger les arbres. Mais la vache, elle ne mange pas l'arbre. Elle mange seulement que ce qu'il y a par terre comme ça. Les herbes, et des fois ces herbes, des fois il y a des excréments, il y a des chiens qui urinent dessus, etc. Il a dit sa viande c'est une maladie. Ça veut dire que c'est pour ça que vous remarquez que toujours la viande de la vache est moins chère que la viande, par exemple, du mouton. Ça, c'est connu. Pourquoi? C'est pour ça qu'elle est moins chère. Donc, ce n'est pas interdit de manger la viande de la vache. Attention, ce n'est pas interdit. Mais celui qui en mange beaucoup, celui qui en mange beaucoup, elle peut le faire tomber malade. Non, c'est la graisse. Je ne crois pas, Zinjabila, la graisse, c'est charme. Charme, ça s'appelle la graisse. Semn, c'est très connu. Je suis sûr que toutes les femmes connaissent ce que ça veut dire, semn. Et je suis sûr que ça a un nom français. Quand on va au Monoprix ou là, on va pas lui dire dans le mois du semn. Ça doit avoir un nom français, je le connaissais, je l'ai oublié. Semn, ça se vend dans des boîtes comme ça, d'un kilo, deux kilos. Hein? Ça a une odeur. Ça a une odeur, et puis ça fond très vite, ça devient de l'eau. Ça, on le met pour les gâteaux, etc. Inch'Allah Ta'ala, vous me trouverez son nom, vous me le donnez. Je suis sûr que toutes les femmes savent de quoi je parle, même les hommes. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, ces viandes sont une maladie, c'est-à-dire pour ceux qui en mangent beaucoup, Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith bon, il a dit alqi anka sha'r al-kufri thumma ihtatin, alqi anka sha'r al-kufri thumma ihtatin. Il y avait quelqu'un qui est rentré en islam, il était assez âgé, il avait comme ça des cheveux longs, il avait beaucoup de cheveux sous les aisselles, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit alqi anka sha'r al-kufri, yani va enlever ses cheveux, ses poils du kufr, yani, que tu avais quand tu étais kafir. Tu as laissé pousser ses poils et ses cheveux en tant de kufr, tu étais kafir. Maintenant, inchallah, tu es musulman, va enlever ses cheveux et ses poils, yani, il va raser ce qu'il y a sous les aisselles, ce qu'il y a dans les parties intimes, il va enlever la tête, ce qu'il y a sur sa tête. Ensuite, il a dit tu martatin, ensuite va faire la circoncision. Les ulama ont dit la circoncision pour les hommes, elle est obligatoire. Pour les femmes, ce n'est pas obligatoire. C'est seulement makrama. Celle qui veut faire, elle fait. Celle qui veut pas, elle fait pas. Mais pour l'homme, c'est une obligation. Sauf s'il sait, par exemple, qu'il a fait le repentir. Il est rentré en islam grand, âgé, 60 ans, 70 ans, et que ça va vraiment lui faire mal et au risque de le tuer. Mais sinon, il est obligé de faire la circoncision. Puis maintenant, alhamdoulilah, c'est très très facile, au point où ça ne prend que 5 minutes et au point où que la personne ne sent rien. C'est pas comme autrefois, à notre époque par exemple, il n'y avait pas le médecin, il n'y avait pas les appareils, etc. C'était avec le rasoir, etc. C'était vraiment difficile. C'est pour ça que vous entendiez l'enfant pleurer. Et vous l'entendiez à 500 mètres ou à 1 km dans des petites villes. Vous savez qu'il y a quelqu'un à qui on a fait la circoncision. Maintenant, de nos jours, mais alhamdoulilah, c'est très facile. Il y a des appareils spéciaux, électriques, etc., où l'enfant ne sent rien. 5 minutes chez le médecin, et il ne sait même pas ce qui s'est passé à l'enfant, et il n'a rien ressenti, alhamdoulilah. Voilà, on se concerne quelqu'un qui fait le repentir. Et je vous ai dit une fois que le premier homme à avoir fait la circoncision, c'est Ibrahim a.s. Il l'a faite, la circoncision, quand il avait 80 ans. À 80 ans, Allah Azzawajal lui a dit, fais la circoncision. Il l'a faite à 80 ans, il l'a faite avec le qadoum. Le qadoum, vous savez, la petite chose comme ça qui a un morceau de bois, avec laquelle on creuse la terre, une petite chose comme ça, on creuse la terre, et on fait rentrer par exemple une fève, ensuite ça donne par exemple une foule, ou bien on fait rentrer habba hummus, ensuite ça donne hummus. La petite chose comme ça qui a une main, et là quelque chose comme ça en fer. On frappe comme ça la terre, on frappe la terre avec elle. Comment elle s'appelle, elle dit la petite chose? Ça s'appelle le qadoum en arabe. En arabe, en jazéry, on dit gadouma, donne-moi le gadouma, elle dit le gadouma. C'est comme ça petit, on creuse avec elle la terre, inshallah ta'ala. Donc autrefois, il n'y avait rien, il y avait des trucs pareils. C'est avec cette chose que Ibrahim alayhi salam s'est circoncis à l'âge de 80 ans. Et vous savez que la première femme a été circoncise, c'est Hajar, عليه السلام. C'est Hajar qui a été circoncise, يعني la première des femmes. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith, il a dit: je vous ai parlé une fois d'un homme qui était mort shahid et d'un autre homme qui n'était pas mort shahid. Allah Azza wa Jal a fait élever celui qui n'est pas mort shahid beaucoup plus haut que le shahid. Le shahid s'est étonné. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Il a dit: pourquoi celui-là il n'est pas mort shahid, il a été plus élevé que le shahid. Il a dit: alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana. Il a dit: celui-là n'a-t-il pas encore vu après le shahid une année? Fa adraka ramadan fa samahu. Et en 7 ans, pendant une année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré le mois de Ramadan et il a fait le carême un mois en plus. Wa salla kada wa kada sijdatan fi sana. Et en une année, n'a-t-il pas fait la prière? Il a fait la prière. Dans sa prière une année, n'a-t-il pas fait tant et tant de sijdat, de prosternation? Combien a-t-il fait en une année? Combien il a fait de prosternation plus que l'autre? Il a dit: فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدْ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. C'est pour ça qu'il a dit: il y a une différence entre celui qui a vécu une année de plus et celui qui est mort, هذا le shahid, il y a comme il y a entre les cieux, le ciel et entre la terre. Voilà pour celui qui vit beaucoup. Et s'il vit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura des mérites peut-être plus que, comme a dit le hadith, plus que le shahid. Pourquoi? Parce que il a vécu beaucoup plus de lui, il a fait beaucoup plus de prosternation que lui, il a fait beaucoup de ramadan, combien, 4, 5, 10, 15 ramadan plus de lui. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal va yani l'élever très très haut. C'est pour ça que d'abord, est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Parce que je ne sais pas si vous m'entendez ou là je parle comme ça, je ne vois rien, aucun signe. D'accord. C'est pour ça que l'essentiel, ce n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre dans les choses, faire les choses que Allah Azza wa Jal aime. C'est pour ça que les ulama disent: ce n'est pas dans la sunna de dire à quelqu'un, par exemple, de lui faire du dua pour que Allah Azza wa Jal fasse de lui une longue vie. On ne dit pas, par exemple, Atalallahu Rumurak, que Allah Azza wa Jal fasse de ta vie, qu'il la fasse longue. Atalallahu Rumurak. Ça, ce n'est pas un dua qui se dit. Mais si tu veux dire à quelqu'un un dua, tu lui dis que Allah Azza wa Jal fasse une longue vie à toi, hein, que Allah Azza wa Jal fasse de ta vie, qu'il la fasse longue, dans ses adorations, fait ta'ateh. Allah Azza wa Jal, atalallah umuraka, fait ta'ateh. Parce que Allah Azza wa Jal, il peut faire de toi, faire une longue vie, ta vie, il peut la faire longue, mais dans les péchés, ou l'ayadu billah. C'est pour ça que si on fait à quelqu'un un dua, on ne lui dit pas atalallah umurak. On ne dit pas: je demande à Allah Azza wa Jal qu'il te fasse vivre beaucoup. Mais qu'il te fasse vivre beaucoup dans les ta'at, dans les choses qu'il aime, dans l'adoration. Voilà comment qu'on dit les Omesh et Cheikh Bil-Othim, rahmatullah, il a dit ça. Il a dit: quand on fait à quelqu'un un dua, on ne lui dit pas atalallah umurak, mais on dit umuraka fi ta'atih, dans ce qu'il aime. Subhanahu Azza wa Jal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith sahih, quand Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu est rentré comme ça, et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dormait sur terre, il dormait sur ce qu'on appelle le haser. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le haser. Il y avait autrefois il y avait quelque chose, il n'y avait pas les moquettes, il n'y avait pas les tapis, etc. Il y avait ce qu'on appelle le hasera, on dit hasera. C'est quelque chose qui se fait, la même chose avec laquelle on fait le koufa. Vous voyez le koufa, comment qu'on le fait? Comme la femme fait des nattes, hein, on fait comme ça des nattes et on fait un koufa. Maintenant il y a ce qu'on appelle le hasir, je crois que ça s'appelle une natte. Omar ibn Khattab a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dormir allongé comme ça sur une natte, et la natte lui avait laissé des marques comme ça sur son corps ou là sur ses joues. Quand on dort sur une natoula, ça laisse des traces. Alors Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu s'est étonné. Il a dit, Ya Rasulallah, je vois les rois et les X, yani les Richard Hadou, subhanallah al-adim, ils vivent dans des choses, des palais somptueux, etc. Et toi qui es un prophète, tu vis dans une chambre pareille, tu dors sur une matte, tu as des traces, des marques sur ton corps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Afishakin anta, yani tu as des doutes, ya Omar al-Khattab, tu as des doutes. Bien sûr, il n'en avait pas des doutes. Tu as des doutes. Il lui a dit, Amatarda, est-ce que tu n'acceptes pas tu ne veux pas que eux, ils prennent la vie et ce bas monde, mais ils n'ont rien demain quand ils rencontrent Allah Azzawajal. Et nous, ma'alif, je dors sur une matte, j'ai des marques, et demain, c'est la Jannah, c'est le grand paradis, c'est les tapis, comme on dit Allah Azzawajal, Wazarabiyun Mabsouza, Wazarabiyun dans sorte le Rachia, Wazarabiyun Mabsouza. Hein, tu ne veux pas que eux, ils prennent ici, et nous, on prend demain. Et tu veux le contraire? Tu veux qu'on prenne ici, on n'a rien demain? Non. Yani nous, on prend ici ce qu'on peut, on prend les choses obligatoires dont on a besoin, et ce qu'on n'en a pas, alhamdoulilah, on en a demain. C'est pour ça que vous trouvez le mécréant, le kafir, du matin au soir, il court derrière ce bas monde. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans la tête et il a dans le cœur qu'il n'y a pas demain. Demain, c'est la poussière. Quand il va dans la tombe, ça va être une poussière. Donc, en fin de compte, c'est très logique qu'il court du matin au soir, parce qu'il n'y a pas demain. Mais toi, quand tu veux courir, tu t'arrêtes, tu te dis, Allah al-Adim, pourquoi je cours comme ça? Yani, du matin au soir, yani, je sue. Pourquoi je cours tout comme ça, alors que la vraie vie, c'est demain? Là, c'est un pont, je suis sur un pont, je suis en train de traverser. Il ne faut pas faire de ce pont, je ne vais pas maintenant sur le pont, je vais dire à quelqu'un, va me construire une maison sur le pont. Le pont, c'est fait juste pour traverser. Comment vais-je construire un palais sur le pont? Ça ne se fait pas. C'est comme ça que le musulman pense. Il va dire, cette vie, malgré qu'elle soit longue, elle va s'arrêter. 60 ans, 70, 100 ans. Maintenant, c'est rare celui qui arrive 100 ans. Prenons 10 ans le maximum. Moi, là, je vais vivre 100 ans. Faisons des calculs pour 100 ans. Peut-être c'est le maximum. Maintenant, 100 ans, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça a une fin demain. 100 ans, ça a une fin. Donc, c'est comme ça que le musulman doit réfléchir et c'est comme ça qu'il doit penser. Toujours, il a entre ses yeux que ça va se terminer. Et que ça va se terminer peut-être dans 100 ans, c'est le maximum. Mais ça peut que ça se termine demain. Ça se peut après demain, ça se peut dans 15 jours. Donc, pourquoi ne pas mettre l'au-delà entre mes yeux? Si tu mets ce bas monde entre tes yeux, tu vas être l'un des plus malheureux dans le monde. Pourquoi? Tu vas à droite, à gauche, tous les gens sont riches, tous les gens ils ont, sauf moi qui n'ai pas, tous les gens ont construit, moi je n'ai pas construit, tous ils ont de belles maisons, moi je n'en ai pas. Ça c'est le mécréant qui pense comme ça. Le vrai croyant, qu'est-ce qu'il pense? C'est qu'il a le paradis entre ses yeux. Toujours le paradis entre ses yeux. Quand il voit des gens comme ça, il se dit dans son cœur, Alhamdulillah, il a dit afana. Il se dit dans son cœur, Alhamdulillah, Allah Azzawajal ne m'a pas donné, c'est pas bukhlan, c'est pas parce que Allah Azzawajal est un avare. Il ne m'a pas donné parce qu'il m'aime. Il ne m'a pas donné parce qu'il ne veut pas que je me noie dans ces choses. Quand on rentre dans ces choses, on se noie. On ne peut plus en ressortir. Regardez seulement ceux qui font le commerce ou là. Avez-vous vu quelqu'un qui a commencé le commerce, ensuite il est devenu riche, ensuite il a dit j'arrête. Akhlas, alhamdoulilah, maintenant j'ai 20 milliards, j'arrête. Non, s'il en a 20, il dit je voudrais 50 et je m'arrête. Sinon, on lui donne 50, il a dit, wallah 50, pourquoi pas 100? 100, ça va être beau, le chiffre 100, il est beau. 100 et j'arrête. Il a 100, non, et si on ajoutait un zéro, 1000 milliards, j'arrête. Et il ne va jamais arrêter, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih. Il a dit, celui-là, Ben Adam, tu lui donnes un wed, yani un lac d'or, il te dira, et pourquoi tu ne donnes pas le deuxième? C'est comme ça. C'est comme ça, l'être humain, il a été créé, il est vaif, il est faible. Donc, quiconque. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit Inna tujjar hum al-fujjar. Il a dit les tujjar, je ne sais pas comment on dit les tujjar en français, les commerçants, il a dit ce sont eux les pervers. Les pervers et les fujjar. Il a dit Inna tujjar hum al-fujjar. Ensuite, alhamdoulilah, il a fait une exception, il a dit Illa ma rahim rabbi. Il a dit sauf ce que Allah azza wa jal a voulu que, yani, il aura fait une exception. Naam, tajir, c'est très difficile, tajir. C'est-à-dire que tu ne peux plus ouvrir un livre. tu ne peux plus faire la prière à l'heure. Tu ne peux plus dire subhanallah alhamdulillah. Tu dis euro dollar au lieu de subhanallah alhamdulillah. Euro dollar. C'est comme ça que tu vas dire. Pourquoi? C'est pas de ta faute. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui n'est pas avec toi. Toi tu veux dire subhanallah, ton cœur dit euro. Tu veux dire alhamdulillah, ton cœur va dire dollar. C'est pas toi qui fais exprès. C'est ton cœur, il n'est pas avec toi. Il est avec le magasin, les magasins, les monoprix, les banques, les chèques. C'est du matin au soir comme ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, alhamdoulilah, que je ne suis pas dans le tijara, dans le commerce. Alhamdoulilah, je ne suis pas dans le commerce. C'est pas une chose facile, le commerce. C'est pas, oh là, tu vas rentrer, tu ne vas plus ressortir. Si tu sors, tu sors comme une poule à qui on a enlevé les plumes. Une poule là, qui n'a pas de plumes. Donc c'est très très difficile. C'est pour ça que ceux qui ont la barbe, etc., ils sont dans le commerce. Et alhamdoulilah, ils font la prière à l'Ogda, qu'ils disent du matin au soir, alhamdoulilah, du matin au soir. C'est pas très facile de faire le commerce, en même temps, d'être du matin au soir, dans les prières et à l'heure, etc., etc. C'est très très difficile. Allah subhanahu wa ta'ala, en yu'afiyana. C'est pour ça que Allah azzawajal, qui sait, c'est lui qui nous a créé. Allah ya'lamu man khalaq wa latiful khabir. Allah azzawajal sait que les gens aiment le commerce. C'est pour ça qu'il a dit, هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Il a dit, ne vouliez-vous pas que je vous montre un commerce? Mais quel commerce? Un commerce qui va, yani, vous éloigner de l'enfer. هل أدلكم على تجارة un commerce تنجيكم من عذاب أليم. Un commerce qui va, alhamdoulilah, vous éloigner d'un grand châtiment demain. Ensuite, il a montré c'est quoi le commerce. Hein, c'est l'iman, c'est le jihad, c'est la foi. Voilà le vrai commerce. Le vrai commerçant, c'est celui qui fait le commerce avec Allah. Du matin au soir, il est en train de faire le commerce avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le vrai commerçant. C'est pas le commerçant, l'autre qui du matin au soir, yani, il sue, il revient le soir, essoufflé. Tout ça pourquoi? Tout ça pour quelques dollars ou là quelques euros, même si ce sont des milliers, mais en fin de compte. Dis-moi les hasanat, combien tu as appris aujourd'hui? Dis-moi combien de prières tu as fait à l'heure? Dis-moi combien tu as dit la hawla ou la quwwata illa billah. C'est ça le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla ou la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la mer lorsqu'il lui a dit al-zim rijlaha fa thumma al-jannah. Il a dit à quelqu'un, reste au pied de ta mère, c'est là-bas qu'il y a le paradis. C'est là, c'est yani sous ses pieds qu'il y a le paradis. On m'a écrit quelque chose? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est là-bas, il a conseillé quelqu'un, il lui a dit, sois près de ta mère, c'est là-bas qu'il y a le paradis. C'est pour ça que j'ai dit une fois que le hadith qui disait que inna al-janna tahta aqdam al-ummahat, j'ai dit que ce n'était pas un hadith sahih. Le hadith qui dit inna al-janna tahta aqdam al-ummahat, j'ai dit ce hadith n'était pas sahih, mais il y a un hadith qui dit, ce hadith il dit, va et reste auprès de ta mère, le paradis est yani sous ses pieds. Donc c'est le sens inshallah ta'ala qui est sahih et non pas l'autre, et non pas le hadith que disent les gens. Ils disent yani le hadith inna al-jannata tahta aqdam al-ka, c'est pas un hadith sahih. Ensuite il y a beaucoup de hadith qui parlent de l'obéissance des parents. Bien sûr il y a beaucoup de hadiths qui parlent de l'obéissance des hadiths, mais maintenant ils ne sont pas comme ça devant mes yeux. Mais je cite par exemple le hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, où il conseille à quelqu'un, il lui dit yani, obéis à ta mère, il est très connu le hadith, obéis à ta mère. Ensuite à la quatrième fois, le hadith qui est plus connu, c'est la troisième fois, il lui a dit ton père. Mais il y a un autre hadith très connu où quatre fois a'adaha thumma a'ada ar-rabi'a faqala, quatre fois il a dit ta mère, et seulement à la cinquième il a dit ton père. C'est un hadith que Cheikh Al-Albani il a dit sahih dans Adab al-Mufrad. C'est à la cinquième fois seulement où il a dit quoi? Où il a dit ton père. Donc quatre fois ta mère et la cinquième ton père. Ensuite il y a un hadith sahih qui m'a beaucoup touché lorsque je l'ai lu, où Cheikh Al-Albani a dit, c'est aussi un hadith sahih, où il parle d'un homme, d'un homme, il a dit, je suis arrivé dans une ville, ou une petite ville, dans un village. Il a dit, je suis arrivé dans un village, j'étais assis, il y avait en face de moi un quoi, un cimetière. Il a dit, il y avait en face de moi un cimetière. Il a dit, j'ai entendu l'appel de la prière du Asr. J'ai dit, j'ai entendu l'appel de la prière du Asr. Ensuite, il a dit, quand il a commencé à appeler à la Salat al-Asr, il y avait un cimetière en face de moi, il a dit, j'ai vu une tombe s'ouvrir. Et j'ai vu une personne sortir, yani le corps d'une personne sortir de cette tombe, et à la tête de la personne, à la place de la tête, il y avait une tête d'âne. Il y avait une tête d'âne. Ensuite, cette âne a crié trois fois, je ne sais pas comment on dit l'âne, comment il fait, il gémit ou là, il hurle ou là, je ne sais pas. Il a fait trois fois ce que fait l'âne. Il a fait trois fois, il a crié comme l'âne trois fois. Ensuite, il est redescendu dans sa tombe et la tombe s'est renfermée. Ça, c'est un hadith que Cheikh Al-Albani a dit, c'est un hadith sahih. Ensuite, il a dit, je me suis étonné, subhanallah al-adim, j'ai jamais vu ça dans ma vie, ou l'a entendu ça. Yani, c'est quelque chose d'horrible. Une tombe qui sort, il y a la tête d'un âne qui sort, et en bas le corps d'un homme, ensuite il fait comme l'âne trois fois, ensuite il revient, il s'est étonné, ensuite il a dit, il y avait une femme qui était à ma droite, elle m'a dit, tu t'es étonné? Je me dis, subhanallah, c'est quoi ça, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Elle lui a dit, tu vois la femme qui est assise là-bas, en train de, comment qu'on dit, yani, quand elle a deux épingles, elle est en train de faire un pull vert ou là pour sa femme, pour les enfants ou là. Tu vois la femme là-bas qui est en train de, yani, terzel, hein, avec les épines. Elle lui a dit, cette femme là-bas, c'est sa mère. C'est la mère de celui qui vient de sortir maintenant, tricote. Barakallahu fik. Tu vois la femme qui est en train de tricoter là-bas? Là-bas, Naam, il a dit, j'ai vu. Il lui a dit, Hada, celui qui vient juste de sortir maintenant de la tombe, c'est son fils. C'est son fils. Tu sais, c'est elle qui nous a raconté, bien sûr, c'est la mère qui nous a raconté ça. Tu sais pourquoi il a la tête. Elle lui a dit, à chaque fois qu'il fait l'appel au Asr, il sort de sa tombe avec la tête d'un âne, il fait trois fois ça, il hurle trois fois et il rentre dans sa tombe. Sa mère nous a raconté que il buvait beaucoup d'alcool. Il se saoulait beaucoup. Et à chaque fois qu'elle lui disait arrête, arrête, arrête, une fois, il s'était saoulé après Salat al-Asr. C'était la Salat de Asr, il s'était saoulé. Et sa mère lui a dit, pourquoi tu te saoules, mon fils? Arrête, arrête de te saouler, arrête. Il lui a dit, enhiri, enhiri, enhiri, quel khimar. Hurle, hurle comme hurlan. Fais comme l'âne, toi, fais comme l'âne. C'est l'âne qui fait ian. C'est comme l'âne. Il lui a dit, depuis ce jour-là, yani, quand il est mort, depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il fait la prière de Asr, Allah Azza wa Jal lui fait ouvrir sa tombe et le fait sortir pour que les gens sachent, celui qui dit à sa mère, fait comme l'âne, fait comme le chien, fait comme le X, qu'est-ce qui lui arrivera demain quand il sera dans sa tombe. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et quand j'ai lu ce hadith, j'ai senti la chair de poule quand j'ai lu que le hadith, le Cheikh Al-Albani a dit hadith sahih. Alors celui-là, c'est pour celui qui dit à sa mère, fais comme l'âne. Qu'en est-il pour celui qui l'insulte et qui la frappe avec des coups de poing, qui la frappe avec des coups de pied et qui fait couler du sang à sa mère? La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que ça sera demain? Allah Azza wa Jalla a voulu montrer seulement celui-là, il a ouvert sa tombe. Alors comment sont les autres qui sont dans la tombe que Allah Azza wa Jalla n'a pas fait ouvrir? Dans quelles conditions sont-ils ceux qui insultent leur mère et ceux qui arrivent jusqu'à frapper leur mère? Oulayyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala niyahdiyana wa niyu'afiyana wa niyu'inana hatta nuti'a ummahatina wa aba'ana. Allahumma arda anna ya rabbil alamin. Uj'alhum qurrata ayunina. ووفقنا لما تحب وترضاه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ونسيرون فانت إن شاء الله تعالى دون 5 دي منوت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه صوت aujourd'hui je veux terminer tôt, c'est pour ça que je commence tôt إن شاء الله تعالى. فيه صوت. Non, parce que je n'ai pas encore mangé. Alors je termine vite les questions, inchallah ta'ala. Je commence par ceux qui m'ont envoyé ici, inchallah ta'ala. Je vois d'abord. Vous m'avez envoyé deux questions, une concernant la ruqya, la deuxième, j'ai pas trouvé laquelle. Envoyez-moi, inchallah, les mails pour me faire me faire souvenir. Celle de la ruqya, je la connais, mais l'autre, je l'ai oubliée. Il y avait une deuxième question, je l'ai oubliée, inchallah ta'ala. En ce qui concerne, j'ouvre des questions, une seconde, inchallah ta'ala. J'ouvre une question, une seconde, inchallah ta'ala. Non. En ce qui concerne, bon, puisque Mouhajir, c'est lui qui a levé la main le premier, donc il m'a envoyé aussi quelque chose. Cher Akhi Mouhajir, tu m'as parlé de ce qui concerne yani cohabiter, les deux épouses qui habitent dans une même qui habitent dans une même maison, et tu m'avais dit si par exemple j'avais l'idée. Tu ne m'as pas encore compris, Mouhajir, tu ne m'as pas encore compris. Je t'ai dit que celui qui dit qu'il n'habite pas, c'est lui qui amène les dalils. Moi, je n'ai jamais lu ou su que c'était interdit. Donc, toi, Inch'Allah ta'ala, tu demandes à celui qui t'a dit interdit, dis-lui où est le dalil. Moi, je ne connais pas le dalil. S'il m'apporte le dalil, al-ayn wa ras, sur les yeux et sur la tête. Comme ça, il m'apporte le dalil, Inch'Allah ta'ala, moi, quand je parle aux gens, je dis c'est haram. Pour moi, maintenant, je n'ai jamais lu que c'est haram, je ne sais pas où ça se trouve. Non, si tu connais quelqu'un de qui te dit que c'est haram, dis-lui, Inch'Allah ta'ala, dis-lui, donne-moi le dalil pour qu'on le donne aux gens. Moi, je n'ai jamais lu dans ma vie que c'est interdit. Ça ne veut pas dire que c'est peut-être interdit, non, mais je ne sais pas où est le dalil, djibouli, barakallahu fik, j'en ai vraiment besoin. C'est quelque chose, Inch'Allah ta'ala, rahtfidna, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, pour la sœur qui a dit que je vous écris ce message car je suis peut-être victime de sorcellerie. Et je souhaiterais, si vous ne connaissez pas des musulmans en France, salafis, si possible, qui pourraient me faire la ruqya en France et éventuellement me fournir leur numéro de téléphone. Barakallahu fik. Naam, s'il y a quelqu'un, inshallah ta'ala, qui connaît des salafis en France, qui font la ruqya, qui nous donne, inshallah, le numéro de téléphone qu'il écrive ici, inshallah ta'ala, pour le donner à cette sœur, inshallah ta'ala. Moi, je ne connais personne qui fait la ruqya en France. Parce que je ne suis pas en France. S'il y a quelqu'un, inshallah ta'ala, qui connaît, qui nous le donne, inshallah ta'ala, le numéro de téléphone de quelqu'un qui est salafi et qui fait la ruqya, inshallah ta'ala. Ensuite, je voudrais savoir, je voudrais me marier et je n'ai pas de wali. Un âme. Pour la sœur Hadi, je lui répondrai, inshallah ta'ala, en privé. Attends, je vais voir si elle est là. Si elle est là, je vais voir. D'abord, si elle est là, je lui répondrai en privé, inshallah ta'ala. Non, mais elle est là, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je la mette sur la liste pour que elle n'ait pas le point rouge. Inch'Allah ta'ala, je te répondrai, Inch'Allah ta'ala, en PV. En ce qui concerne autre chose, pouvez-vous vérifier les personnes? Non. Oum Abdelrahman 1979. Salam alaikum wa rahmatullah. Par rapport aux personnes qui n'ont pas encore l'arabe et ceux qui lisent les sourates. Sourate Al-Baqarah et Ali Imran en français. Ont-ils des bienfaits liés à leur lecture ou bien faut-il exclusivement les lire en arabe? Barakallahu fik. Naam, le jawab, elle doit lire seulement en arabe. Naam. Baqarah et le Coran en général se lit en arabe. Si tu lis la traduction en français, naam. Mais pour avoir le ajr, chaque harf avec 10 hasanat, tu dois le lire, inshallah ta'ala, en arabe. Pas en une autre langue. Non, une sœur qui veut rester anonyme, elle dit, quand mon fils était petit, un mois, il est tombé malade d'une grande maladie de foie pendant 2 ans, et mashallah, il est guéri. J'ai appris qu'une personne de la famille de mon mari était très énervée contre moi pendant ma grossesse et demandait volontairement à Allah en faisant des doigts pour que mon fils tombe malade. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Il y a des musulmans qui sont comme ça. En faisant des doigts pour que mon fils tombe malade et qu'il lui arrive une mosiba. la soeur est absente, alhamdoulilah. Donc je passe inshallah ta'ala à l'autre. Salamu alaykum. Salama 57. Salama 57. Elle a dit Salama 57. Est-ce que les âmes se visiteront après la mort? J'ai dit que Cheikh Al-Albani a fait, il a dit hadith sahih ou hasan, que les âmes se visitent après la mort. Et j'avais dit ce qu'il disait aussi, qu'il demandait aux gens comment vas-tu, comment va X, et est-ce que X et Y se sont mariés ou ne se sont pas mariés. Naam. Ça je l'ai dit inshallah ta'ala hier. Umrayhana 4 a dit salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez entendu la cassette des cris des gens qui se faisaient châtier du frère Zindani au centre de la terre? Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il faut y croire? Barakallahu fik. C'est une cassette qui est beaucoup répandue. Naam, il y a une cassette qui s'est beaucoup répandue et qui dit que il y a dans cette cassette, on entend les gens qui sont dans les tombes ou là sous la terre et qui sont en train de crier, en train d'hurler. Elle dit, est-ce que cette cassette, yani, on doit y croire ou on ne doit pas y croire? Mon avis, Allah Ta'ala alam, c'est que cette cassette, on ne doit pas y croire. Pourquoi? Parce que le châtiment de la tombe, Adab al-Qabr, c'est quelque chose que personne ne peut entendre. C'est quelque chose que personne ne peut entendre. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le ghaib. Ça rentre dans les choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Comme a dit Allah Azza wa Jal, Alladhina yu'minuna bil ghaib. Si ces choses-là s'entendaient, khalas, donc on connaît nahnu le ghaib. Et donc, Allah Azza wa Jal veut que tu croies en des choses qui sont invisibles et qu'on ne peut pas entendre. Allah Azza wa Jal veut de toi que tu crois en des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas entendre. C'est pour ça que si tu mets une mini cassette ou là tu la fais rentrer dans la tombe, c'est impossible que tu entendes quelque chose. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit quand on fait asseoir celui qui il est dans la tombe, on le fait asseoir, s'il répond, il répond pas qui est là, quoi tu, yani, c'est quoi ta religion, c'est qui ton prophète, s'il répond pas, il a dit ensuite il y a quelqu'un qui va le frapper d'une barre de fer, yani tous les créatures vont l'entendre, il a dit, sauf l'ins ou le djinn saqalan. Donc l'ins c'est nous, donc le prophète Hassan a dit l'ins ne va pas entendre, il ne peut pas entendre celui qui est frappé et celui qui est châtié dans la tombe. Donc faites bien attention à cela. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit que... Non, mais j'ai oublié c'était quoi sa question. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih que, dans ce sens, mais c'est un hadith sahih, il a dit, inna hadi l'umma, cette nation, tubtala fi quburiha, cette nation aura, yani l'ibtila, aura des questions et des châtiments, etc. dans sa tombe. Il a dit, dans leur tombe, vous aurez cela, cette nation aura ces supplices, etc., ces épreuves, dans leur tombe. Ensuite, il a dit, voilà ce qui a rapport à la question, il a dit, فَلَوْلَا لَتَدَفَنُوا, si c'était de peur, que vous n'alliez pas vous enterrer, si j'ai pas peur que vous n'alliez pas vous enterrer, j'aurais fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il vous fasse entendre Adab al-Qabr. Pour qu'il vous fasse entendre quoi? Il vous fasse entendre les supplices de la tombe. Non. Donc, qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a dit, si j'avais pas peur que vous ne vous enterriez pas, j'aurais fait un dua à Allah, et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il vous aurait fait entendre Adab al-Qabr. Donc Adab al-Qabr, c'est impossible que quelqu'un l'entendre, il est impossible. Ensuite, c'est là, ces gens-là, quand ils crient, etc., ils crient en groupe, femmes, hommes et enfants, c'est impossible. Chacun sera seul dans sa tombe. Jamais on sera deux quand il y aura le supplice, ou trois, ou quatre, ou cinq. Chacun sera seul dans sa tombe. Donc, barakallahu fikum, soyez, inshallah, de vrais salafiyin, et ne croyez pas en ces choses, car ces choses-là, inshallah ta'ala, n'ont aucune base, et ce sont des choses, inshallah ta'ala, que la plupart du temps ce sont les kuffars qui font, etc., et qui font marcher entre, font répondre entre les musulmans, etc., pour leur faire des doutes dans leur religion. Wallahu ta'ala, subhanahu wa ta'ala, a'lam. Ensuite, salam alaikum, est-ce que c'est de la sunna d'épousseter son lit en disant bismillah quand on revient à son lit après s'être levé, que ce soit dans la nuit ou en journée, barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il époussetait son lit, il le faisait la nuit avant de dormir. Mais maintenant, pourquoi on le fait? C'est pas spécialement, yani, mais c'est parce que, comme il a dit lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on ne sait pas qui, yani, qui a été à notre place. Surtout autrefois, vous savez, il y avait les scorpions, il y avait les serpents, il y avait, soit quand tu pars, du matin au soir, tu reviens pas à ton lit, tu ne sais pas maintenant qui est sous la couverture. Peut-être qu'il y a un serpent, peut-être qu'il y a un... Maintenant, il y a peut-être même les djinns. Hein, il y a les djinns, il y a les esprits. Hein, il est à ta place, toi tu le vois pas. Ou bien tu te jettes directement dans ton lit, tu tombes sur lui, il peut te frapper d'une main ou là d'une gifle. Et voilà que notre visage maintenant est tordu. On va faire la ruqya. Pourquoi? Parce que quand on est allé vers notre lit, on n'a pas dit bismillah, on n'a pas épousseté. Donc si tu le fais, inshallah ta'ala, il est, inshallah ta'ala, valable à chaque fois, inshallah ta'ala, que tu reviens vers ton lit pour dormir. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un frère peut s'épiler? Est-ce qu'un frère... Bon, on va la question de la sœur anonyme, car elle veut savoir. Non, je ne connais pas sa question, je l'ai oublié. Il faut que tu me dises c'est quoi sa question. Un frère dit, est-ce qu'on peut s'épiler du torse? Est-ce qu'on peut enlever pour un homme les poils du torse? Car il ne les aime pas. Non, c'est dans le but de se montrer torse nu. C'est pas dans le but, il dit, c'est pas... Non, j'ai compris, Zanjabila. Il a dit, c'est pas dans le but de se montrer torse nu devant les gens, mais juste pour se plaire à lui et pour sa femme. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu les ulama parler cela. Je sais que les ulama divisent les poils en trois sortes. Les poils, il y a ceux qui sont interdits d'enlever, et il y a ceux qu'il faut enlever, et il y a ceux où on dit c'est moubah. Tu peux enlever, tu peux ne pas enlever. Donc, je n'ai jamais entendu les ulama parler des poils du torse en ce qui concerne l'homme. Je sais que Cheikh Al-Albani interdit cela. Il interdit à l'homme d'enlever ses poils. Il interdit même à la femme, même les poils des pieds, etc. Bref, Cheikh Al-Albani, je sais que interdit, d'après ce que j'ai lu sur lui, n'a pas parlé du torse, mais il interdit d'enlever les poils, sauf en ce qui concerne les aisselles et les parties intime. Donc ensuite, moi je voudrais dire une chose à mon frère. Je voudrais lui dire, Allah Azza wa Jal a donné les poils dans le torse de l'homme spécialement pour montrer la virilité de l'homme, qu'il est viril, il a des poils dans sa poitrine. Je ne sais pas pourquoi toi, Yannick, qu'est-ce qui t'est venu en la tête pour essayer d'enlever ces poils. Plaire à la femme, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal nous a donné, nous les hommes, et pas tous les hommes. Il a choisi certains, il leur a donné des poils dans la poitrine, spécialement pour être montré qu'ils sont virils. Maintenant, toi, tu vas enlever les poils de là-bas, ça va être, ça va grandir. À chaque fois, tu seras obligé, tous les 15 jours, de les enlever de ta poitrine, et ça sera très difficile. Donc, je te demanderai, Inch'Allah Ta'ala, d'être, tarda, de ces poils que Allah Azza wa Jal t'a donné. C'est au contraire, c'est pour montrer, Inch'Allah Ta'ala, que tu es viril. Et je ne vois pas ta femme, pourquoi elle voudrait que tu les enlèves et voudrait que tu sois sans ces poils. Au contraire, c'est elle qui devrait se réjouir, elle devrait gagner tarda de ces poils. Sinon fais-lui peur, dénoncer. Sinon je vais ramener une deuxième femme, une salafia, qui accepte ses poils. Donc toi, fais-lui peur, dis-lui, tu n'acceptes pas les poils de mon torse, je vais marier une deuxième fois. Toutes les femmes ont peur, elles vont trembler quand tu vas lui dire une deuxième femme. Dis-lui, je vais ramener une deuxième femme qui est salafia, elle accepte les poils de mon torse. Bon, Inch'Allah Ta'ala, ici elle aura peur, elle acceptera, Inch'Allah Ta'ala, ses poils. Je te donne conseil, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas les enlever. Wallahu Ta'ala A'lam. En ce qui concerne la sœur, elle avait parlé de sœur anonyme, on remonte en haut. Elle a dit, quand mon fils était, il avait un mois, il est tombé malade, il y avait même une femme qui faisait des doigts pour que mon enfant tombe, ou l'ayadou billah, comme j'ai dit, et que, yani, Allah Azza wa Jalla me donne une mousseba. Et je doute même qu'elle a demandé de l'aide à un sorcier, mais je suis pas sûr. Maintenant, je sais que la personne regrette, je voudrais savoir si cela rentre dans l'ain, autre chose, et quel est le jugement dans cette affaire, au barakallahu fikoum. Naam. Premièrement, tant que tu n'es pas sûr qu'elle a fait, qu'elle a été aidée par un sorcier, etc., nous on ne marche pas avec les choses qui ne sont pas sûres. Nous on marche avec le yaqin, avec la certitude. Quand je vois une femme venir d'un sorcier, chez un sorcier, et que je lui enlève ce qu'elle a dans la main, et je jure ce qu'elle a dans la main, et je lis ce qu'il y a dans la main, et c'est écrit mon nom et mon prénom, etc., là j'ai la certitude qu'elle venait d'un sorcier, et que c'était spécialement pour moi. Mais même si elle vient d'un sorcier, je ne sais pas que c'est pour moi, je ne dois pas l'accuser. Car en islam, on n'accuse pas que lorsqu'on a la certitude. C'est pour ça que, toi tu dis je doute, donc on ne va pas du doute à la certitude pour accuser quelqu'un. Mais maintenant tu as dit quelque chose de très bien, c'est quoi tu as dit? Je sais que la personne regrette. Et chaque personne qui regrette et qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla lui pardonne. C'est pour ça que nous, si vraiment on suit le vrai minhaj, on doit lui pardonner aussi. Pourquoi? On doit même l'aimer. Pourquoi? Parce qu'elle a regretté. Quiconque a fait une grande chose et a regretté, a fait le repentir, Allah Azza wa Jalla aime cette personne. Il l'aime parce qu'elle a fait le repentir. Nous, on doit aimer toute personne que Allah Azza wa Jalla aime. On ne doit pas être avare. On dit non, il y a un problème entre moi et lui. Non, il n'y a pas de problème. La personne a fait le repentir, il n'y a plus de problème. Allah Azza wa Jalla aime cette personne après le repentir. Nous, inshallah ta'ala, on doit l'aimer. Maintenant, si c'est ça a un rapport avec le aïn ou ça a un rapport avec le sihat, on ne cherche pas beaucoup à savoir cela. Parce que, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on se dit? Alhamdoulilah, notre enfant n'est plus malade. Allah Azza wa Jalla a éloigné de nous cette grande mousseba. Allah Azza wa Jalla a guidé cette personne. Elle a fait le repentir. Je vais yani, oublier tout ça, inshallah ta'ala. Et je vais, inshallah ta'ala, effacer tout cela et essayer d'oublier. Wallahu ta'ala a'lam. En ce qui concerne autre chose, il y avait une question qui disait que ma question est dit, existe-t-il un hadith qui dit que lorsqu'on rate la salat de l'Isha, lorsqu'on rate la salat de l'Isha, est-ce qu'il y a un hadith qui dit il faut retourner chez soi et la retarder le plus loin possible? Pouvez-vous confirmer ou refuter? Barakallahu fikum. Il y a un hadith en général, c'est un hadith sahih. Il se trouve dans le livre Akhta al-Musallin, et c'est un hadith sahih, je crois qu'il est chez Muslim. C'est un hadith qui l'Albani aussi a dit sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu une fois à la mosquée pour faire la prière. Ce n'est pas cité l'Aïcha. Il est arrivé, quand il restait quelques mètres pour arriver à la mosquée, il a vu les gens sortir. Il a vu les gens sortir. Pourquoi? Il en fait la prière sans lui, car il était dans une tribu en train d'essayer de régler leurs problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il est revenu, il n'est pas rentré à la maison, à la mosquée, pour faire comme ils font maintenant, il fait un deuxième groupe. Non, il est allé à la maison, il a fait la prière avec sa famille. Donc, c'est de la sunna, quand tu arrives à la mosquée, avant que tu arrives, tu trouves les gens sortir, tu vas à la maison, tu fais la prière, toi et ta femme, ou là, toi et tes enfants, etc. Même si ta femme, par exemple, a fait la prière, tu peux lui dire, fais la prière une deuxième fois avec moi. Toi, pour toi, tu la comptes nafila, pour moi, je la compte fard. Ou là, tu dis à un de tes enfants, viens, on fait la prière une deuxième fois. Pour toi, inshallah, c'est nafila, pour moi, c'est fard. Et il n'y a pas une salat qui dit que spécialement, yani l'Aïcha. Mais il y a un hadith qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré une fois à la mosquée, yani pour faire l'Aïcha. Il a tardé en train de parler avec les gens jusqu'à ce que les gens ont dormi. Ensuite, il a dit, Wallah yani, si c'était pas yani, je savais que ça vous dérangeait, etc., vous voulez dormir, etc. Sinon, j'aurais retardé l'Aïcha jusqu'à ce moment. Donc, voilà ce que dit le hadith. Si quelqu'un, il est à la maison, il veut retarder l'Aïcha, comprenez bien ce que je veux dire, Barakallahu fikum. Si quelqu'un, il est à la maison, il veut retarder l'Aïcha à cause du Ajr. Il dit, puisqu'on est dans un dars, etc., bien on va retarder l'Aïcha une heure ou une heure et demie après, on va la faire jama'a en groupe, ça c'est bien et il aura des hasanat. Mais ce n'est pas celui qui reste en face de la télévision à cause du film. Comprenez bien la différence. Il reste à cause du film. Ensuite, il va dire, c'est bien de retarder la Isha, c'est bien. Donc, allez, je vais la retarder à cause du film. Celui-là, non. Celui-là, il n'est pas rentré dans le hadith. Il rentre dans le hadith, celui qui veut la retarder à cause de quelque chose qui a rapport avec l'islam. En train de lire, en train de lire le Coran, en train d'écouter une cassette de din, en train, il va dire, je vais retarder un peu la Isha, je vais la faire à cause de l'ajr. Ça veut dire à cause de la jama'a. Je vais la faire jama'a, on retarde un peu. Mais c'est pas à cause de la télévision ou à cause de, il est en train de jouer aux cartes, il va dire, je vais retarder la Isha. Maintenant, il y a une question qui a dit, quelle est la hikma sur le fait de porter des vêtements de couleur rouge? Il y a quelques jours, vous avez dit qu'il y avait une divergence, mais je ne comprends pas pourquoi il existe une interdiction concernant cette couleur. Barakallahu fikoum, aidez-moi à comprendre. Naam, en ce qui concerne la couleur rouge, cher, moi j'ai une question aussi, dites-moi quand je pourrais la poser. Est-ce que c'est ta question que tu as posée? Si c'est ta question que tu as posée, elle m'est arrivée. Si c'est la question de la photo, elle m'est arrivée. Naam. Attends un peu, j'avais dit que quelqu'un a parlé de la couleur rouge. Naam, j'ai dit, naam, je suis pas encore arrivé à ceux de la salle. Je parle à ceux qui m'ont envoyé à l'email. Maintenant, ensuite, je vais arriver à ceux de la salle. J'ai dit que pour la couleur rouge, il y a une divergence entre le ulama. Naam, beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences. C'est pour ça que, et toi tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés, sur des hadiths où il est dit de ne pas mettre le rouge. Et c'est pour ça que certains ont dit, mais ces hadiths sont faibles. Car les hadiths qui disent qu'il ne faut pas mettre le rouge, on dit par exemple que à cause de shaitan aime le rouge. Le shaitan aime le rouge, mais ce hadith où il est dit le shaitan aime le rouge, il est assez faible. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu habillé de rouge. Et une fois il était sur le mimbar, il a vu ses deux petits-fils, le Hassan ou le Hussein, rentrer en train de marcher à quatre pattes, et le hadith a dit, ils étaient habillés de rouge. Alayhima, Khamisan, Hamrawan. Donc, ils étaient habillés de rouge. C'est pour ça que les ulama ont essayé de joindre entre les hadiths qui disent tu mets, les hadiths qui ont dit tu mets pas, ils ont dit, donc de préférence, si quelqu'un met le rouge, ils ont dit, il met pas le rouge, yani, à 100% rouge. Il met le rouge, comme ça, par exemple, à rayures, avec des rayures blanches, des rayures noires, un peu de rouge en haut, un peu de noir en bas, etc. Ils disent, il met pas le rouge à 100%. De ceux qui disent, il met pas. Sinon, comme M. Okani et les autres, ils ont dit, il n'y a pas vraiment quelque chose qui interdit le rouge. Mais supposons qu'il y a quelque chose qui interdit le rouge, donc ne mettons pas le rouge vif, sa couleur vif, et 100% rouge. Mettons le rouge qui a des rayures, ou bien ils ont dit, oh, je vais mettre le rouge, mais je le mets pas, yani, comme ça, c'est lui le visible. Je le mets, je mets quelque chose au-dessus de lui. Par exemple, une chemise rouge et une veste qui n'est pas rouge au-dessus de lui. Une chemise rouge, un pull vert qui n'est pas rouge au-dessus de lui. Ça veut dire qu'on met le rouge en dessous. Wallahu ta'ala alam. Voilà ce qu'on dit les ulama. Wallahu ta'ala alam. Je voudrais savoir, dans notre ville, toutes les mosquées sont pleines de bid'ah. Et les imams font aussi des bid'ah. En plus, ils détestent les frères du minhaj, tellement qu'ils essaient de nous faire des problèmes, ils nous poussent à bout. Malgré cela, nous essayons de patienter et certains frères arrêtent de venir à la mosquée. Peuvent-ils ne plus venir à la mosquée? Barakallahu fikum. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Mashakil, il y a beaucoup de mashakil chez vous, Allah. Allah niyakuna ma'akum yu'inakum. Allah niyakuna ma'akum yu'inakum. Seulement, je voudrais te dire, il y a aussi des frères qui font des mashakil. Il y a aussi des frères, naam, il y a aussi des frères, par malheur, il y a aussi des frères qui n'ont pas d'ilm et qui font des mashakil. Ils ne savent pas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit hier ou avant-hier, il a vu quelqu'un, ce quelqu'un n'était pas bien. Il a dit à Aïcha, bi'sa akhul ashira. Il lui a dit, celui-là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien ça. Ensuite, quand il est rentré, il a commencé à lui sourire. Au point que quand il est sorti, Aïcha lui a dit, subhanallah, je t'ai entendu dire, c'était quelqu'un de pas bien, etc. Ensuite, quand il est rentré, tu lui as ri dans le visage, etc. Non, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que j'ai dit hier, je me suis trompé, il a dit, yani, deux visages, etc. Il ne parlait pas ici de celui qui a deux visages. Il a dit, yani, min charnes, celui que, yani, le plus mauvais des gens, il a dit, celui qui, on s'éloigne de ces problèmes. Non, celui-là, j'ai ri quand il est rentré, et je sais que c'est une personne de problème, mais j'ai ri, pourquoi ? Parce que pour éviter ces problèmes, il a dit, ceux-là, yom al-qiyamah, ceux-là, ils auront un grand supplice. Les gens qui, on a peur d'eux, on s'éloigne de leurs problèmes. Le prophète, alayhi sallam, lui a ri dans le visage pour ne pas le faire fuir. Subhanallah, sinon il va fuir de l'islam, mais il est obligé de lui rire. Les frères aussi, des fois, tu es obligé de rire à quelqu'un ou de te sourire, même que dans ton cœur, tu ne veux pas. C'est pourquoi ? Pour éviter les problèmes. Mais beaucoup de frères, non, ils ne savent pas cela. Ils disent, moi, ce qu'il y a dans le cœur, je le dis. Et ils commencent à faire des bagarres dans les mosquées. Des fois, tu es dans une mosquée où tu es obligé de sourire à quelqu'un, c'est juste pour éviter ces problèmes. Il n'est ni de ton minhaj, ni salafi, ni il est contre la salafi, etc. Mais des fois, tu lui souris, etc. Parce que c'est quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui peut te faire des problèmes, quelqu'un qui peut te faire la police, quelqu'un qui peut te rentrer en prison. Tu es obligé de le sourire, etc. Tu fais composer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dans ton cœur, tu dis, celui-là, c'est l'ennemi de la sunna. Comme a dit hier Tabliriyin qui disait que le minhaj, le chef des minhaj, c'est un juif et qui connaissent la police, etc. Celui-là, c'est l'ennemi de la sunna. Mais des fois, tu es obligé de lui sourire et même lui serrer la main. Si tu sais qu'il va te faire des problèmes, il va t'emmener de la police, il va t'emmener en prison. Celui-là, quand tu le vois, serre-lui la main, souris avec lui et dans ton cœur, dis, Inch'Allah ta'ala, viendra le jour où on verra ce que te fera Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis sûr qu'il viendra un coup ici dans cette vie. Allah te donnera un coup qu'on n'oubliera pas. Mais ça ne fait rien. Maintenant, je suis faible, je peux rien faire. Mais c'est pas tu rentres comme ça dans des machettes du matin au soir, tu rentres dans les problèmes, ensuite tu te trouves en prison, tu te trouves expulsé, ensuite tu te trouves, je ne sais pas, tu trouves ta photo dans les journaux, ensuite. Allah ta'ala alam. Il faut avoir, inshallah ta'ala, la souplesse et avoir du ilm et avoir beaucoup de hikmah. Alaykum salam, wa barakatuh. Beaucoup de hikmah, inshallah ta'ala. Naam, on y dit ça. Ensuite, Omar Abdullah, je te remercie. Omar Abdullah Jazeera, je te remercie pour les photos que tu m'as envoyées, qui montrent qu'est-ce que ça veut dire le djilbab, une femme avec le djilbab, une femme avec le voile, une femme avec le khimar. Mais ma'ad asaf, il y a seulement deux photos, j'ai pu les voir. Les autres, elles ne veulent pas s'ouvrir. Peut-être que je n'ai pas assez de mégas. Allah ta'alam, dans mon ordinateur. Je pense que je dis barak l'ofé. Ensuite, quelqu'un qui m'a dit. Pardon, une seconde. Ensuite, quelqu'un qui m'a dit de parler du Liban, etc. Je vous ai déjà parlé du Liban, barakallahu fikoum. Je vous ai dit que il n'est pas possible de faire le liwa al-bara avec ceux-là. Ceux-là, ce sont des khoubata. Ceux-là, ce sont des chiens. Ceux-là, ce sont des gens qui sont contre nous, contre la sunna. Ceux-là, nasallah. Certains ne disent même pas Nasrallah, disent Nasrallet. Let, c'est une statue qu'on adorait autrefois. Celui-là, il veut Nasrallet, c'est pas Nasrallah subhanahu wa ta'ala. Parce que je dis cela, ce sont des gens qui tuent Al-Sunna al-Jama'a. Si vous saviez, en Irak, maintenant moi je suis en train de vous parler en Irak, il y a des gens que le groupe de Nasrallah Hada, son groupe, les Rawafid, les Shi'ites, les Khoubata, les chiens, ils prennent des gens de la sunna maintenant en Irak, les salafiyins, ils les égorgent avec leurs bébés. Quelqu'un m'a raconté, ça fait seulement hier ou avant-hier, il m'a dit, wallah, ils les prennent, wallah l'adim, ils prennent la chignole. Vous connaissez la chignole? Ils leur crèvent les yeux avec la chignole. Ils leur crèvent les yeux d'abord, ensuite ils les tuent. Ensuite ils leur font rentrer la chignole dans un endroit où vous savez. Voilà. Avant de le tuer, ils lui font, pourquoi? Juste parce qu'il s'appelle Omar. Qui s'appelle Omar. Il y a beaucoup de souvenirs en Irak qui s'appelaient Omar. Vous savez, autant de Sed, c'est pas Sed, comment il s'appelle Hadak, leur président qui est en prison Hadak. C'est pas Sed, la hawla wa la quwwata illa billah. Autant du. Il y avait le président Hadal Saddam. Autant de Saddam, les chiites vivaient comme les souris dans les trous. Comme des souris dans les trous. Personne n'avait le droit de lever le doigt. Bien sûr, nous on n'aime pas Saddam. Saddam a fait ce qu'il a fait. Non, on n'aime pas. C'est un khabit lui aussi. Mais au temps de Saddam, jamais un chiite ne pouvait lever le petit doigt. Maintenant, ils font le phare, yani la vengeance. Quiconque, c'est un sunni, on le tue, yani on, ensuite on l'attache, on le tire, comme ça, comme on tire un chien mort. Maintenant, des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le din, qui ne connaissent pas le minhaj, ils disent Nasrallah, Nasrallah. Non, il n'y a pas de Nasrallah. Nasrallah, c'est ton ennemi, c'est ton premier ennemi. Allah Azza wa Jalla ne fera pas triompher Nasrallah. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi d'Allah. C'est l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ennemi de Abu Bakr, l'ennemi de Omar, l'ennemi de Aïcha. C'est lui-là, Nasrallah. C'est lui le grand ennemi. C'est pas le juif. Le juif, toi, je vois là, il est connu, tu le vois. Voilà le juif, je le connais, il peut pas, yani, me faire, yani, je le connais, c'est un ennemi. Mais celui-là, c'est avec la barbe, il parle au nom du din, il parle de l'islam, il parle de le Allah a dit, le prophète a dit. Voilà le vrai ennemi qui est caché. Toi, tu fais des doigts, naam. Tu fais des doigts aux musulmans. Tu fais pas des doigts à Nasrallah. Tu fais des doigts que Allah Azza wa Jal, yani, soit avec les musulmans, qu'ils raffermissent leur cœur, qu'Allah Azza wa Jal, qu'il donne, yani, des coups durs à ces juifs. C'est mécréant, c'est roubaix, les juifs. Ce sont des, tu fais des doigts contre les juifs. Mais tu fais pas des doigts, tu dis à Allah Azza wa Jal, fais triompher Nasrallah. Jamais. Allah Azza wa Jal, jamais le fera triompher. C'est l'ennemi de Dieu. L'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ennemi du prophète, l'ennemi de Aïcha, l'ennemi de Abu Bakr et l'ennemi de Omar. Allah Azza wa Jal, jamais il fera triompher une personne comme celle-là. Peut-être que Allah Azza wa Jal fera triompher les juifs, peut-être. Je ne souhaite pas cela, mais peut-être pour montrer à Anas Allah que les juifs sont mieux que toi. Que les juifs sont mieux que toi. Ça, c'est peut-être. C'est pour ça que je demande à mes frères, yani, de demander à Allah Azza wa Jal en général, yani, qu'il maudisse ces juifs, qu'il leur donne des coups durs et qu'il fasse triompher l'islam le vrai, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam de Abu Bakr et de Omar, pas l'islam de Khomeini et l'islam de Rafsanjani ou je ne sais pas qui. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il les extermine. Moi aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, je vous demande de me pardonner, je dois m'arrêter, je n'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai beaucoup faim, je m'excuse auprès de vous, Inch'Allah ta'ala, je continuerai avec vous demain. Je sais que vous m'excuserez, j'ai tellement faim que je peux même pas continuer. J'ai même pas mangé à midi. Enfin, je m'excuse auprès de vous, barakallahu fikoum. Inch'Allah ta'ala, demain, on continuera à 22h comme d'habitude. On se rencontrera, Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikoum. Sakina, je te réponds en PV. Une ou deux minutes, tu vas en PV, je te réponds. Les autres, Inch'Allah ta'ala, vous m'enverrez vos questions dans l'email. Zinjabila ou l'autre. Écris, Inch'Allah, écris mon nom et on se rencontrera, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Je m'excuse si je vous ai pris de votre temps, je me sens un peu fatigué, barakallahu fikum. On se rencontrera, Inch'Allah ta'ala, demain. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Où est-ce que les sakinas 32 hadith?